J'aime la vie, j'aime le soleil. Je regarde les fleurs bleues. Soleil. J'aime la vie, j'aime le soleil. Je regarde les fleurs bleues. Sous-titrage Société Radio-Canada.